الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 19 dans la lecture du livre Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Sheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله تعالى إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول. Donc on est toujours dans l'explication des différentes sortes d'adoration et on est encore dans la première des sortes mentionnées qui est ad-du'a. Yani comprendre la signification de l'adoration par les exemples qui sont mentionnés par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans son livre Al-Usul al-Thalatha avec les explications de Cheikh Ubayd. Au dernier cours, Cheikh Ubayd, hafizahullah, il a mentionné la question du tawassul. Et il a clarifié cette question-là, qui est une question très importante. On a expliqué pourquoi au dernier cours. Et c'est un sujet qui est relié, bien entendu, avec le dua. Puisque tawassul, c'est de chercher un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a expliqué que il y a des formes de tawassul qui sont acceptées. C'est lorsque le moyen qu'on emploie pour se rapprocher d'Allah est un moyen qui est légal, et il y a des formes de tawassul qui sont interdites. Et on a expliqué que c'est lorsque cette forme de tawassul est soit une forme de shirk en soi-même par le fait qu'on a invoqué autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que c'est une bid'a, ou bien parce que c'est une forme de shirk asghar, lorsque yani on a utilisé un moyen qui n'a pas été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, donc c'est soit une innovation simple, ou bien c'est une innovation qui peut nous amener à tomber dans le shirk, même si elle n'est pas shirk elle-même, et donc que ça peut nous faire tomber dans le shirk. Alors dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk mineur, parce que tout ce qui peut être une cause de faire tomber dans le shirk majeur, hein, donc dans ce cas-là, c'est même si en soi-même elle n'est pas une forme de shirk majeur, mais si elle nous amène au shirk majeur, elle devient dans ce cas-là une forme de shirk mineur. Donc on a expliqué ça et on a clarifié à la fin les différentes sortes de dua. On a dit dua ul ibada, et que ça comprend deux choses, hein. Soit le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de le glorifier en faisant les différents adhkar, un tasbih, le fait de dire subhanallah, ou tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, ou takbir, le fait de dire Allahu akbar, et at-tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. Ça, tout ça, c'est des formes d'adoration par le dua. Et cette forme de dua, c'est un dua qui est un dua d'adoration, dans le sens qu'on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit وثاني الأمور ليعلم المسلم أنه إذا دعا الله عز وجل نال إحدى ثلاث يعني تعجيل ما دعا به في الدنيا أو ادخار ذلك له في الآخرة أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به. Donc lorsque tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il y a trois choses qui peuvent se produire: soit que Allah subhanahu wa ta'ala il précipite yani ce que tu as invoqué, ce pourquoi tu as invoqué Allah, tu lui as demandé quelque chose, il te le donne dans cette vie d'ici-bas, donc il t'exauce dans cette vie d'ici-bas. Mais il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'exauce pas directement dans cette vie d'ici-bas, mais qu'il te le garde pour ton au-delà. Ou bien, troisièmement, il est possible qu'il te détourne d'un mal quelconque, ou qu'il détourne de toi un mal quelconque qui correspond à la chose pour laquelle tu as invoqué. Parce que parfois, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant quelque chose, et Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette chose-là, elle serait mauvaise pour toi si tu l'avais, donc il t'en détourne et il t'exauce en te donnant quelque chose de meilleur ou quelque chose d'autre que ce que tu as demandé. Donc il faut avoir confiance en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Le cours d'aujourd'hui, donc il y a le cours 19, on arrive au point où le cheikh il nous explique les shurut, les conditions, shurutul ijaba. Donc les conditions pour que notre invocation soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, الأمر الثالث ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإجابة لها شروط منها أولا الإخلاص إخلاص الدعاء لله عز وجل ثانيا اليقين بالإجابة ثالثا ألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم كقول القائل وهو يدعو على قريب له اللهم لا تقرب بيني وبينه أبدا فهذا سؤال للقطيعة والإثم كقول القائل اللهم ابتله بالفاحشة في أهله وعياذا بالله من ذلك هذا إثم عظيم فما ذنب أهله حتى يدعو عليه هذا الدعاء ورابعا يعني عدم العجلة عليه أن يدعو ويصبر والله يحكم أمره ويحكم ما يريد والعجلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كقول القائل دعوت الله فلم يستجب لي. Donc on va commencer par l'explication de ces quatre premiers points, puis on expliquera les suivants par la suite, parce qu'il y a d'autres conditions qui sont mentionnées, et le cheikh il en a mentionné en tout 6 conditions. Donc on va commencer par les 4 premières, puis on expliquera les suivantes par la suite. Donc parmi les conditions, le cheikh il dit que tout musulman et toute musulmane doivent savoir que pour être exaucé dans nos invocations, il y a 3 conditions. La première condition, c'est d'être sincère et de purifier notre invocation pour que notre invocation soit uniquement dirigée et vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est-à-dire qu'on ne va pas invoquer autre que Allah, hein, et on ne va pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, avoir la certitude d'être exaucé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas qu'on exauce, il n'aime pas qu'on l'invoque avec un cœur insouciant. Hein. يعني لا تدعو الله بقلب غافل بقلب غافل يعني avec un cœur qui est insouciant et indifférent comme si oh Allah si tu m'exauces exauce-moi mais si tu m'exauces pas c'est pas grave hein? Non Allah subhanahu wa ta'ala il aime que lorsqu'on l'invoque on l'invoque avec certitude qu'on sera exaucé et c'est pour ça que même il y a un chapitre dans le kitab al-tawhid qui dit yani que on doit pas demander à Allah en disant yani oh Allah donne-moi quelque chose si tu veux ya Allah irzuqni ou yani irfir li inshat ou irzuqni inshat la yani c'est pas permis de demander comme ça yani de demander à Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu lui dis donne-moi si tu veux c'est comme si en fait tu disais que tu n'en avais pas vraiment besoin de la chose pour laquelle tu lui demandes. Et en même temps aussi, tu ne peux pas imposer à Allah quelque chose. Donc le fait d'utiliser le verbe impératif dans l'invocation, quand tu dis « Allahumma arzuqni »« Allahumma arfirli », c'est un verbe impératif, mais ça n'implique pas qu'on essaie d'imposer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça implique uniquement qu'on est déterminé et qu'on est convaincu de ce qu'on demande et on croit que Allah va nous exaucer dans cette invocation là et ça c'est très important. Donc quand c'est comme par exemple, en tout cas, il y a 3 cas que les ulama, par exemple, ils mentionnent dans le cas de cette demande quand tu utilises un verbe impératif. Si c'est une personne qui est au-dessus et qui a une autorité qui ordonne, dans ce cas-là, c'est pris dans le sens de l'ordre. Hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ton père ou ta mère, il t'ordonne quelque chose, ça c'est obligatoire dans ce cas-là de le faire. Tandis que si c'est un ami qui ordonne à un autre ami, eh bien dans ce cas-là c'est il y a quelque chose qu'il te conseille de faire ou qu'il t'incite à faire, mais c'est pas dans le sens de l'ordre, puisque c'est deux personnes qui sont à égalité qui se parlent. Tandis que si c'est une personne qui est en dessous, hein, qui est, disons, qui a moins d'autorité que la personne à qui il s'adresse, comme un enfant qui demande à son père quelque chose, il dit à son père, « Oh, papa, donne-moi telle chose » ou « Fais quelque chose ». Dans ce cas-là, ce n'est pas un ordre, mais c'est une demande. Et c'est la même chose pour le serviteur lorsqu'il demande à son créateur, lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est dans ce sens-là. Hein, c'est dans le sens de la demande. Et c'est en même temps pour montrer que la personne, elle est concernée, puis elle veut vraiment être exaucée. C'est pas quelque chose qu'elle demande avec insouciance ou indifférence et avec un cœur insouciant. Le point numéro 3, ثالثاً أن لا يكون في الدعاء إثم. Donc, il faut pas que quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes quelque chose qui contient en soi un péché. Ou bien, par exemple, une coupure des liens de parenté. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et donc, tu n'as pas le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant quelque chose qui est haram, hein, quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam. Comme par exemple, de dire, « Oh Allah, ne rapproche pas entre moi et mon parent, mon proche parent. Hein, ou bien sépare entre moi et mon père, ou sépare entre moi et mon frère, ou des choses de ce genre. » Ça, ce n'est pas permis parce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui implique que tu vas couper les liens de parenté, et de couper les liens de parenté, ça fait partie des grands péchés dans l'islam. Ou bien de dire à Allah, oh Allah, tu demandes qu'il éprouve quelqu'un par la turpitude ou par le péché. Donc ça, c'est grave de faire ça. Et donc, tu n'as pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éprouver quelqu'un par le péché, ou bien de lui demander de te donner quelque chose qui est haram. Et ça, c'est souvent des gens, par exemple, qui sont dans l'ignorance de la religion, ou bien qui vivent dans le péché et qui réalisent pas le mal dans lequel ils sont. Comme des gens, par exemple, qui pratiquent de la musique, ou qui pratiquent des choses haram, puis qui demandent à Allah de leur donner le succès dans leurs choses, leurs projets, mais ces projets-là sont haram. Hein, c'est comme qui demande à Allah, oh Allah, fais que je sois, que j'ai le succès dans qu'est-ce que je fais, par exemple dans le domaine de la musique, ou dans le domaine de la mode, ou dans le domaine de ci ou de ça, mais que ça implique quelque chose qui est interdit par l'islam. Donc dans ce cas-là, tu dois pas demander ça à Allah. Tu dois au contraire demander à Allah de t'éloigner de ça et de te préserver de ça. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui dit, oh Allah, donne-moi le succès dans les trucs de spectacle, ou des trucs comme ça. Et il y a souvent des gens, par exemple, quand ils sont dans ces choses-là, et quand ils reçoivent un prix ou une récompense quelconque pour les péchés qu'ils font, ils disent, je voudrais remercier Dieu. Hein? Je voudrais remercier Allah. Ou bien il y en a qui vont dire même, I would like to thank God. Et une fois, j'avais vu ça une fois dans un pays arabe, il y avait les trucs de concours amateurs. Puis c'était une émission, je pense qu'il parlait c'était une émission pour que les gens, par exemple, qui veulent devenir des chanteurs, ils vont dans cette émission-là, puis ils vont faire une sorte de concours. Et celui qui gagne, bon, il va avoir un prix ou je sais pas quoi. Et puis quand c'était un exemple, une courte vidéo qu'ils avaient montré dans un pays arabe, qu'ils avaient imité cette émission-là, qui était en fait à la base une émission qui était des pays européens, puis ils l'ont copié dans les pays arabes aussi. Puis quand ils l'ont fait dans ces pays-là, après, quand la personne a gagné, elle a fait sujoud choukr, la prosternation de remerciement. alors que c'est un péché, yani. Donc comment tu remercies Allah pour un péché, hein? Ça c'est absurde. Mais bon, ça c'est l'ignorance qui amène les gens à ça. Allah al-musta'an. Un autre exemple, parmi les conditions de l'invocation, c'est que tu ne dois pas te précipiter ou être pressé d'avoir la récompense. Pas la récompense, mais d'être exaucé plutôt. Tu ne dois pas être pressé d'être exaucé. Et que tu dois savoir que tu dois être patient dans l'invocation. Quand tu demandes à Allah quelque chose, sois patient. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge de la manière qu'il veut. Et il sait mieux que toi quand est-ce que tu dois être exaucé ou non. Et quand est-ce que c'est mieux pour toi d'avoir cette réponse ou non. Et donc la personne par exemple qui dit « Oh mais j'ai invoqué Allah puis il ne m'a pas exaucé. » Ça c'est un signe de la personne qui est pressée, qui est yani, impatiente. Il dit ouais, « yani, ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. » Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت الله فلم يستجب لي. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que l'un d'entre vous, il va être exaucé par Allah tant qu'il n'est pas pressé d'être exaucé, c'est-à-dire qu'il va dire par exemple j'ai invoqué Allah puis on ne m'a pas, il ne m'a pas exaucé. Donc quand tu dis ça, Allah ne t'exauce pas, hein? Donc c'est parce que souvent les gens sont impatients, hein? Ils disent mais j'ai demandé à Allah combien de fois et je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Sois patient, hein? Quelqu'un il dit mais j'ai demandé à Allah de me donner une bonne femme, de me donner une bonne épouse, de me faciliter le mariage et je n'ai pas été exaucé, hein? Donc non, sois patient, hein? Sois patient et continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et fais-le avec plus de sincérité, plus de ferveur, puis inshallah Allah il va t'exaucer tôt ou tard. Et des fois il faut être patient, c'est comme ça. Peut-être que des fois il retarde ça pour toi pour un bien que toi tu ignores, hein? Donc il faut avoir confiance en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. خامساً عدم الاعتداء في الدعاء ومن ذلك قول القائل اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك يريد بدعائه أن يكون أعلى منزلة من النبيين والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء. Donc, un exemple aussi de choses qui fait partie des conditions de l'invocation, c'est qu'il ne faut pas demander des choses qui dépassent la limite d'Allah, hein, et qui, par exemple, t'amènent à des choses qui sont contraires à la révélation et contraires à la raison aussi. Comme par exemple, quelqu'un qui dit « Oh Allah, donne-moi un degré dans le paradis que personne ne peut atteindre parmi ta création. » Donc il demande par cette invocation-là d'atteindre des degrés plus élevés que les prophètes et les envoyés d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des invocations dans lesquelles il y a de la transgression, hein? Ou bien quelqu'un par exemple qui dit « Oh Allah, fais que je sois un prophète », hein? Ou des choses comme ça. Ça, c'est pas permis de faire ça. Hein? C'est pas permis de transgresser dans les doigts. Comme par exemple quelqu'un qui dit « Oh Allah, fais que je rentre dans le paradis tout de suite », hein? Ou des choses comme ça. Non, il y a des causes, il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées. Tu peux pas demander ce genre de choses là, hein? Puisque tu sais que pour rentrer au paradis il y a, hein, des étapes. Si tu dois les respecter, tu dois les respecter. Il faut premièrement que faut mourir avant la mort, puis après il y a la résurrection, après ça il y a le jugement, et après ainsi de suite. Bon, tu vois, donc il faut respecter ça, il faut pas transgresser dans l'invocation, demander des choses contraires à la religion. السادس طيب المتاع من معكل ومشرب وملبس ومسكن هذه بعض شروط إجابة الدعاء. وكما أن للدعاء شروطا فإن له آدابا. Donc, le cheikh, il dit que la sixième condition, c'est que qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu portes comme vêtements et qu'est-ce que tu as comme demeure, comme habitation, il faut tous que ce soit des choses qui sont bonnes et halal. Si par exemple quelqu'un il se nourrit de haram, il boit du haram, il porte du haram, dans le sens qu'il porte des vêtements qui sont par exemple volés ou qui sont impurs ou je sais pas, yani, ou bien il habite dans une habitation qu'il a achetée avec riba ou des choses comme ça. Donc ça c'est des exemples que yani, peut-être qu'à cause de ça la personne ne sera pas invoquée, sera pas exaucée, hein? Peut-être que la personne, à cause de ça, elle ne sera pas exaucée. Donc, il faut que la personne fasse attention pour que ce qu'elle consomme soit des choses qui sont licites pour être exaucées dans ses invocations. Et le cheikh, ensuite, il dit qu'il y a également dans le dua, il y a également des manières à respecter, certaines étiquettes à respecter. Et donc il dit que après les conditions dans le doa pour qu'on soit exaucé, il y a aussi des manières, hein, et des étiquettes à respecter. Il dit wa minha istish'aruka bidh-dhull wal-khudu' lillah 'azza wa jalla wal-hajati ilayhi wa minha raf'u al-yadayni wa minha istiqbalu al-qibla wa kadhalika lahu awqat. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ساعات الاستجابة منها بين الأذان والإقامة السفر وعند نزول المطر وعند السجود وفي جوف الليل. Donc le cheikh il explique que parmi les manières de l'invocation qui aide aussi à être exaucé, c'est que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois ressentir en toi-même une certaine humilité et une certaine soumission à Allah, hein, de te rabaisser, de te faire humble devant ton Créateur et de sentir que tu as besoin de lui, hein, et d'élever les mains vers lui en invoquant et de se tourner vers la Qibla. Donc ça, c'est des choses qui sont parmi les choses qui font que tu vas être invoqué, tu vas être exaucé, pardon. Et il dit également qu'il y a des périodes ou des moments qui sont plus propices, hein, pour être exaucé que d'autres. Et il mentionne comme exemple de ça le temps qu'il y a entre le adhan et l'iqama. Donc entre l'appel à la prière et l'appel pour établir la prière. Et il mentionne à ce sujet-là le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi. Il dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala thalathu da'awatin mustajabatin la shakka fihinna da'watu al-walid wa da'watu al-musafir wa da'watu al-mazlum. Donc, il mentionne trois catégories d'invocations qui sont exaucées et la raison qui sont... Bon, en fait, dans cette invocation-là, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a trois invocations qui sont toujours exaucées. Il n'y a pas de doute, hein, à leur sujet. L'invocation du père, l'invocation du voyageur et l'invocation de l'opprimé. Et ça, c'est authentifié. Sahahahu Sheikh al-Albani fi Sahih al-Jami'. Donc il est authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Et donc tu vois que dans ces trois exemples que le Sheikh il mentionne de ce hadith, le père, le voyageur et l'opprimé, eh bien il y a toujours la personne qui est dans cet état-là ou qui est dans ces trois exemples, eh bien c'est quelqu'un, quand il va invoquer Allah, il va invoquer Allah avec humilité et il va faire sentir son besoin et il va appeler Allah subhanahu wa ta'ala en ressentant l'humilité et la détresse. Donc ça c'est quelque chose qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer cette personne. Donc entre le adhan et l'iqama, c'est le hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Selon Anas ibn Malik, il dit wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yuraddu ad-du'a bayn al-adhan wal-iqama wa sahhahahu al-Albani. Donc Allah il ne refuse pas l'invocation qui est faite entre le du'a et entre l'adhan et l'iqama. Ad-du'a fi as-safar, yani on a donné l'exemple wa da'watu al-musafir, l'invocation du voyageur. Wa 'inda nuzul al-matar يعني إشارة إلى ما أخرجه الشافعي في الأم من طريق عبد العزيز بن عمر عن مكحول مرفوعا أطلبوا حاجة إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث حسنه الألباني. Donc le cheikh il explique que également il est rapporté dans un hadith selon Yali Makhoul qui l'a rapporté, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans, il dit wa dhakara anna lahu shahidan min hadith Sahl wa ibn Umar wa Abi Umama. Donc Cheikh Al-Albani l'a authentifié ce hadith dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, et ça dit quoi? Ça dit cherchez cherchez la réponse de vos invocations ou bien d'être exaucé dans vos invocations lors de la rencontre des deux armées, c'est-à-dire lors de la guerre, lorsque les deux armées se rencontrent. Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce à ce moment-là. De même que lorsqu'on établit la salat. Donc, ça aussi, c'est un autre moment dans lequel on est exaucé, et lors de la tombée de la pluie. Donc, quand il y a la tombée de la pluie, Allah, il exauce les invocations. Ça, c'est une chose que les gens... Il néglige parfois, ne réalise pas que c'est un moment, on doit en profiter lorsqu'il pleut pour invoquer Allah, puisque c'est un signe de sa miséricorde, la pluie. Et il dit également pendant la prosternation, il dit les hadithi amma sujud fajtahidu fi du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum rawahu muslimun في كتاب الصلاة. Donc من حديث ابن عباس. Donc l'imam muslim il a rapporté à ce sujet, il dit que lorsqu'on est dans la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites des efforts dans le dua, parce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous serez plus exaucé, yani si vous l'invoquez pendant que vous êtes dans cet état là ou dans cette position là dans la prosternation. Et Wafi Jawf al-Layl, Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, dans lequel il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama' ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir aw al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lah من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Donc c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, il descend à chaque dernier tiers de la nuit lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il demande, il descend au dernier des cieux et il demande qui est-ce qui va m'invoquer pour que je lui réponde, pour que je l'exauce, et qui va me demander pour que je lui donne ce qu'il me demande, et qui va demander pardon pour que je lui pardonne. Donc ça, c'est des choses qui nous incitent à faire des efforts à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments-là, parce que ce sont des moments privilégiés pour l'invocation. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera demain, inshallah, la suite de ce livre qui est vraiment rempli de bienfaits et de bénédictions et de toutes sortes de clarifications très importantes pour de comprendre la religion de l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.